réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec France Culture en ce lundi 21 décembre. C'est une semaine de vacances. Et cette semaine, sur France Culture, une programmation spéciale consacrée aux super-héros et aux super-héroïnes. Donc on va se réveiller avec d'abord les super-héros des jeux vidéo. On va philosopher aux alentours de 10h, comme tous les jours on philosophe à 10h sur France Culture. Mais cette semaine avec Star Wars, on va déjeuner dans la grande table avec Don Quichotte. On va redécouvrir Albert Einstein dans les émissions scientifiques de l'après-midi. On va parler que des femmes et des filles, des super-héroïnes dans Ping Pong. Et puis on va écouter à la veillée le Capitaine Fracasse en musique et s'endormir avec Corto Maltese. C'est une manière de s'évader entre sérieux et légèreté. On en a bien besoin. Merci donc de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Et nous donc, on va parler des super-héros dans les jeux vidéo. Et notre tête chercheuse de la semaine est l'enseignant-chercheur Alexis Blanchet. Bonjour. Bonjour. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman. And who disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan. Les super-héros dans les jeux vidéo. Alexis Blanchet, vous êtes maître de conférence à la Sorbonne, spécialiste en cinéma, en jeux vidéo. Vous avez publié de nombreux ouvrages concernant justement les jeux vidéo et le cinéma. Dernier en date, des pixels à Hollywood, cinéma et jeux vidéo, une histoire économique et culturelle. On sera donc ensemble toute cette semaine pour parler des super-héros dans les jeux vidéo. Et aujourd'hui, en deuxième partie, on sera rejoint par Erwan Cario, que vous connaissez. Mais tout à fait. En réalité, il est déjà là. Bonjour Erwan Cario. Bonjour. Alors, on va écouter d'abord le professeur Alexis Blanchet nous parler dans ce premier épisode des relations justement du cinéma et du jeu vidéo. Quelle transposition et pourquoi la BD ne connaît-elle pas le même succès de transfert ? Alors, il faudrait remonter l'histoire du jeu vidéo. C'est vrai que c'est un secteur qui paraît encore aujourd'hui assez récent, mais qui a une vraie histoire. C'est plus de 50 ans d'histoire. On pourrait faire remonter les débuts du jeu vidéo à un brevet qui est déposé entre 1947 et 1948 aux États-Unis et qui préfigure un objet qui utilise un écran de radar et qui serait un élément de jeu vidéo. Et puis, cette histoire évolue. Elle passe par les laboratoires de recherche. On sera peut-être d'ailleurs amené à en reparler. Et elle entame une économie marchande, une histoire marchande du jeu vidéo au début des années 70, quand des entrepreneurs américains décident de faire payer à la partie de jeux vidéo et d'essayer de trouver un moyen de rentabiliser ces objets qui utilisent de l'électronique, qui utilisent des écrans à tube cathodique, des manettes, etc. Alors, le rapport avec le cinéma, il va se nouer dans un premier temps, à partir de 1974, autour des genres hollywoodiens. Les jeux vidéo vont aller essayer de se renouveler, de trouver d'autres univers en s'appuyant sur les genres hollywoodiens et sur le roi des genres hollywoodiens, c'est le western. Et en 74, on a un studio japonais qui s'appelle Taito, qui sort un jeu au Japon qui s'appelle Western Gun et qui est édité l'année suivante sur le territoire américain par Midway qui en rachète les droits sous le titre Gunfight. Et on trouve dans ce jeu deux cow-boys qui s'affrontent, deux joueurs s'affrontent, chacun manipule un petit avatar, un petit personnage à l'écran, deux cow-boys, et on doit essayer de se tirer l'un sur l'autre. On est face à face, à gauche, à droite de l'écran. Chacun des joueurs peut diriger son personnage dans un partie de l'écran. Et donc, on peut orienter le pistolet. Et d'ailleurs, l'interface est une crosse de pistolet qu'on tient de la main droite. Et de la main gauche, on dirige avec un stick le personnage. Alors, c'était quoi l'idée au départ? Parce que dans les années 70, c'est un peu la fin du genre du western. Est-ce que pour les industries, c'est de relancer ce genre cinématographique et on utilise le jeu vidéo pour ça? Ou alors, ils n'étaient pas au courant que le genre était en train de s'éteindre? Le genre est moribond hein, dans les années 70. Déjà, ouais. On produit plus de western à Hollywood ou de manière très ponctuelle. Et c'est peut-être certains réalisateurs du nouvel Hollywood, d'une certaine façon, qui vont essayer d'aller repenser le western différemment. Par contre, le western s'est déplacé. Le western est à la télévision depuis la fin des années 50 et le début des années 60. Et on a plusieurs séries télévisées de western qui assurent une permanence du genre dans l'imaginaire des joueurs. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était un studio japonais qui choisissait de faire un jeu sur le western. C'est-à-dire, c'est un studio japonais qui décide d'aller s'inspirer d'un genre totalement exogène par rapport à la culture cinématographique et par rapport au genre japonais. Et on peut imaginer deux choses. D'une part, c'est que même s'il est moribond, ça reste un genre encore très puissant dans les imaginaires. Dès lors qu'on voit un chapeau mou, dès lors qu'on voit un Colt, une étoile de shérif, bah tout de suite, il y a un imaginaire qui est déclenché. Super-héros. Voilà, par exemple, du shérif qui va affronter les bandits, de la banque qui est attaquée, etc. Il y a le duel. Si le titre s'appelle Gunfight, quand il est exploité sur le territoire américain, c'est pour renvoyer à cette séquence typique du western. Et donc, il y a la capacité pour un studio japonais à la fois de s'adresser à son audience nationale. Les Japonais ont un goût du cinéma américain et c'est un cinéma qu'on va voir volontiers. D'ailleurs, c'est même un peu parfois chic d'aller voir des films américains plutôt que des productions nationales. Et en même temps, c'est probablement que dès 1974, on sait qu'on produit pour son audience nationale quand on est un studio japonais, mais aussi pour exporter. Et quoi de mieux pour exporter que de parler directement la langue du pays d'exportation avec la puissance évocatrice qui est celle du western. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le joueur américain va tout de suite comprendre les enjeux de la partie, ce qu'il va devoir faire, la position dans laquelle on le pose dans le jeu. Alors, quand on le regarde formellement, ce jeu, c'est un jeu de 74, c'est-à-dire que cette histoire marchande du jeu vidéo, elle commence en 72 avec un jeu qui s'appelle Pong, qui est ce jeu de tennis où deux raquettes se renvoient une balle. Et si on regarde formellement ce qu'est Western Gun et Gunfight, sa version occidentale, c'est finalement le Pong, mais réhabillé des habits du Western, avec des cactus qui sont à l'écran, avec deux petits cow-boys vus de profil, les balles et le bruitage des balles qu'on entend, qui est en 74 une performance technique assurée par le jeu. Et dans un environnement graphique extrêmement dépouillé, hein, un jeu vidéo de 74, c'est un jeu en une seule couleur, les affichages sont jaunes, c'est des éléments graphiques, ce qu'on appelle des sprites, qui sont constitués de quelques pixels. Et bien évidemment ici, l'appui sur l'imaginaire générique du western, il est essentiel pour que le joueur puisse, de ce contenu très peu figuratif, s'imaginer une séquence de western. C'est-à-dire que le joueur, il a pour comprendre ça l'habillage de la borne. L'habillage de la borne, il est très richement décoré. Il rappelle d'ailleurs le générique des Mystères de l'Ouest. Donc on retrouve ce lien avec la télévision et le western télévisé. Et puis il s'approche de la borne et bah, c'est sûr qu'entre les dessins très figuratifs des deux côtés de la borne qui présentent des cow-boys dans des situations très dynamiques, d'esquive, de tir, etc. Et qui se retrouve face au graphisme très peu figuratif du jeu, eh bien lui va mettre en place tout un travail cognitif d'une certaine façon pour reconstituer, réinvestir de son imaginaire cette partie et ses éléments graphiques qui sont de faible figuration, d'une certaine manière. Donc, le western va être un genre qu'on va retrouver au cours des années 70, un des premières tentatives de Nintendo, une grande marque de jeux vidéo, dans le secteur de l'arcade en 79. C'est un jeu qui s'appelle Sheriff, voilà, où on est un personnage de shérif et on doit tirer tout autour de soi sur des bandits qui nous encerclent et essayer de les éliminer les uns après les autres. Et ça a marché tout de suite ? Alors, le secteur du jeu vidéo va connaître un développement très fort et très accéléré hein, tout au long des années 70. Pour donner deux repères économiques un peu parlants, on a une entreprise qui s'appelle Atari, qui est fondée au tout début des années 70 et qui connaît son premier grand succès avec Pong, ce jeu de tennis de 72. C'est une entreprise dont on nous dit, et c'est une assez belle histoire, presque un mythe un peu du capitalisme américain, elle est fondée pour 500 dollars dollars en 72, elle est rachetée pour une somme entre 28 et 35 millions de dollars en 76, 4 ans plus tard. Ce qui en a fait pendant très longtemps dans les cours d'économie le plus bel exemple de valorisation financière d'une entreprise dans le cadre du capital américain. Tout ça a été ensuite balayé dans les années 2000 par les entreprises de la net société ou je sais plus comment. Net économie, voilà, je cherchais l'expression. Alexis Blanchet, est-ce qu'ils avaient tout intérêt à passer par un genre déjà établi à la télé, au cinéma, les concepteurs de jeux vidéo, ou est-ce qu'ils auraient pu, dès le début, se démarquer, justement, en inventant des héros propres aux jeux vidéo? On se retrouve dans la situation d'un média qui se développe, hein. Et donc un média, on sait que quand un média se développe, bah, il se retourne en général vers les médias qui l'ont précédé. Le cinéma des premiers temps s'est tourné vers le théâtre, ouais. Vers le cabaret, pour essayer d'en emprunter des éléments et pour pouvoir commencer à constituer à la fois son propre langage et à la fois ses propres imaginaires. Les années 70 sont marquées par l'emprunt western, on l'a dit, mais également l'emprunt à la science-fiction, hein. C'est-à-dire qu'à partir de la deuxième partie des années 70, probablement en même temps que le succès de Star Wars sur les écrans se déploie avec le film de 77, on a toute une série de jeux japonais, de jeux américains, Atari en fait quelques-uns, qui s'inspirent de la science-fiction et particulièrement de la science-fiction dès lors qu'elle est absorbée par le cinéma et que le succès de Star Wars la remet un petit peu au premier plan. Donc on a deux genres un peu importants avec le western et puis surtout la science-fiction. On pourrait aller chercher du côté du film de gangster également. On a quelques jeux vidéo, là aussi, qui vont retrouver le motif de la fusillade, mais l'appliquer et emprunter des éléments au motif du gangster, où on retrouve les années 30, où on retrouve l'imaginaire d'Al Capone et de tout ce que le cinéma américain a pu produire dans les années 30 autour des films de gangster. On pense à Little Caesar ou au Scarface de Hawks. On a comme ça, de tout au long des années 60, des petits points d'ancrage dans ces imaginaires qui sont vraiment nécessaires dans ce média jeu vidéo naissant qui a des capacités techniques très limitées et qui doit absolument s'appuyer sur des images qui sont déjà dans les imaginaires des gens pour essayer de donner de la matière à ce qui se passe sur les écrans. Les écrans sont à une ou deux couleurs, parfois on met des filtres de couleurs dessus pour leur donner un petit peu plus de matière. On peut faire des graphismes qui sont très peu figuratifs, on l'a dit, et très souvent on accompagne un peu ces environnement de films plastiques sur lesquels sont dessinés des éléments et qui sont plaqués sur l'écran et qui agrémentent l'écran d'éléments graphiques. Mais ça oblige de toute façon à renvoyer le spectateur vers ses imaginaires propres et puis la puissance évocatrice du cinéma hollywoodien qui permet tout de suite de comprendre avec un élément graphique, un type de personnage, un archétype, à quel genre et à quel... Archétype, hein ? Oui. On parle pas encore de personnage. On parle pas encore de personnage et c'est vrai que de Pong ou l'avatar, c'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on est toujours dans ce questionnement entre avatar et personnage, quoi. L'avatar, c'est le véhicule que le joueur va déplacer à l'écran pour pouvoir interagir dans l'espace de jeu. Et là, on parle de création, hein. On ne renvoie pas toujours à des joueurs connus, à des comédiens connus, ça viendra beaucoup plus tard. Les premiers héros des jeux vidéo, ils ressemblent à quoi ? Bah, je vais dire que le premier héros de jeu vidéo, je sais pas ce qu'en pense Erwan, mais la première icône du jeu vidéo, pour moi, c'est Pac-Man. Mm-hmm. Donc, il faut attendre 1980. C'est-à-dire qu'il faut quasiment attendre 10 ans. Alors même qu'on a un secteur qui s'est largement déployé, qui a connu ses premiers grands succès, japonais d'ailleurs. On pense à Space Invaders en 78, hein, qui est vraiment un jeu phénomène, à la fois au Japon et lors de son exploitation sur les autres territoires. Mais avec Pac-Man. Là, j'ai raté cet épisode. Il s'agissait Space Invaders, jeu de tir dans l'espace. Vous affrontez une horde d'envahisseurs de l'espace qui se déplacent du haut de l'écran vers le bas de l'écran. Vous êtes une petite raquette, un petit vaisseau avec un canon qui se déplace de manière horizontale au bas de l'écran. C'est la formule de Pong, hein, tout simplement, qui est repensée quelques années plus tard. Et vous tirez en évitant les tirs ennemis et en vous cachant derrière des boucliers qui vont se détruire au fur et à mesure de la partie sous les tirs adverses. Space Invaders, c'est un jeu dont on a dit qu'il avait provoqué une pénurie de pièces de 100 yens au Japon parce que les joueurs japonais s'étaient passionnés pour ce jeu-là et que la partie coûtant 100 yens au Japon, toutes les pièces avaient disparu dans les bornes de jeu. Donc Space Invaders est un marqueur assez important parce que il montre bien la position de force que vont prendre les créateurs japonais dans ce secteur-là. Pac-Man est un jeu japonais également, c'est un jeu d'une société qui s'appelle Namco. C'est un jeu qui est développé sur une période un petit peu plus importante que les temps de développement. On est sur un peu plus d'un an de développement et c'est un jeu qui est pensé autour d'une thématique qui est celle de la dévoration. Voilà. Et donc le petit avatar de Pac-Man, tout le monde l'a en tête, hein, c'est cette boule qui est animée par un mouvement de mâchoire qui s'ouvre et se ferme et doit dévorer tout ce qui est à l'écran, c'est-à-dire des petites packs de gomme éparpillées dans un labyrinthe, doit éviter des fantômes qui la poursuivent et puis de temps en temps, il y a une super pack de gomme. Il y en a quatre à l'écran. Dès qu'on la dévore, les rôles s'inversent et les poursuivants deviennent poursuivis. Et on peut, à ce moment-là, dévorer les... Jusqu'au niveau 21. Jusqu'au niveau 21. Bonjour, Erwan Cario. Pardon, je ne peux pas... Vous allez intervenir dans vos 3 minutes. Pour terminer, Alexis Blanchet, ce premier épisode, on est bien d'accord qu'au début, les industries du jeu vidéo et du cinéma sont vraiment distinctes. Il n'y a pas d'échange de bons procédés. Ça viendra bien après. Ah, pas tant que ça. Quand je vous disais qu'Atari est rachetée 28 à 35 milliards de dollars, elle n'est pas rachetée par n'importe qui, elle est rachetée par un conglomérat de l'audiovisuel qui s'appelle Warner Communication Incorporated. C'est le conglomérat auquel appartiennent les studios Warner. Donc en 76, un conglomérat de l'audiovisuel, voyant le développement extrêmement rapide du secteur du jeu vidéo, fait le choix d'investir une somme importante pour prendre une position de force dans le secteur et rachète la première major du secteur du jeu vidéo qui est Atari. Alexis Blanchet, enseignant-chercheur, avec nous toute cette semaine pour nous parler des super-héros dans les jeux vidéo. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Avec plaisir. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. C'est vous l'invité culturel, Erwan Cario. Bonjour. Bonjour. C'est impressionnant. Toute cette semaine, les super-héros sur France Culture, héros de fiction d'hier et d'aujourd'hui, grands noms des arts et des savoirs, figures héroïques du monde réel... pour la tranche consacrée au documentaire sur les docs. Et puis nous, on parle des super-héros dans les jeux vidéo. Erwan Cario, vous êtes journaliste à Libération. D'ailleurs, vous êtes rentré pour parler des jeux vidéo. C'est une belle partie de mon travail. Je ne fais pas que ça à Libération, mais une de mes thématiques. Alors, comment on devient journaliste spécialiste des jeux vidéo ? Par hasard. Non, on commence par être un joueur, je suppose. Ah oui, qu'on est un joueur, on rêve un jour peut-être d'être payé pour. Non, on ne rêve même pas d'être payé pour jouer. C'est au-delà de l'imaginaire. Et puis, qu'on payait les gens pour tester les jeux. Oui. Après, c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Mais moi, je suis. C'est une partie de mon travail et de jouer et d'essayer les jeux vidéo qui sortent et de leur donner du sens. D'essayer de leur donner du sens à ceux qui peuvent en avoir. C'est pas le cas de tous, mais. Mais voilà, après ça se fait par hasard, on propose dans au détour d'une discussion à Libération, et tiens, toi tu joues aux jeux vidéo, moi je dis oui, ah bah tiens, ça te dirait d'écrire des critiques de jeux, et puis voilà, ça c'était en 2001, et 14 ans plus tard on continue. Erwan Cario, je ne vous présente pas Alexis Blanchet, vous vous êtes rencontré plus d'une fois, je suppose. Plus d'une fois, oui. Bon, alors, puisque vous avez entendu le premier épisode, puisque vous êtes là depuis le début, que vous avez entendu ce premier épisode consacré justement aux industries du cinéma et du jeu vidéo, vous-même, Erwan Cario, vous êtes rentré et vous avez développé donc un style d'écriture autour du jeu vidéo avec Olivier Séguré, qui lui-même venait de la critique cinéma, voilà. Oui. La jonction est faite. La jonction est faite et c'est vrai que c'est grâce à Olivier... qui s'est qui a décidé de lui-même de s'occuper du jeu vidéo et qui a vu la puissance de ce média qui était émergent à l'époque, au milieu des années 90. Et voilà, il a pris le jeu vidéo pour ce que c'était, c'est-à-dire vraiment un art en devenir et quelque chose de très intéressant. Et il s'est battu pour l'imposer. Moi, je suis arrivé un peu après la guerre, donc la guerre était déjà gagnée quand j'ai commencé à écrire sur les jeux vidéo. Mais c'est vrai que voilà, après Olivier Séguret, à Libération, le jeu vidéo a toujours eu droit à la place qui lui est due. Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on va utiliser les mêmes termes, les mêmes grilles d'analyse pour le cinéma que pour le jeu vidéo? Est-ce qu'il faut inventer une écriture nouvelle pour une industrie nouvelle? C'est une belle question et c'est une question qu'on ne cesse de se poser parce que c'est toujours compliqué. Le jeu vidéo a quelque chose en plus qui est cette interactivité, ce qu'on appelle le gameplay, et c'est très compliqué. C'est pas une œuvre figée entre guillemets comme peut l'être un film qui une fois qu'il est sur pellicule, ben on peut l'analyser comme un objet fini. Alors que le jeu vidéo, en fait, il y a cette interaction avec le joueur qui rentre en jeu et qui demande finalement de mettre un peu de soi en scène aussi, d'expliquer la manière dont nous on a interagi avec le jeu pour expliquer c'est quoi. En fait, la critique de jeux vidéo se rapproche peut-être plus du reportage, comme un reportage à l'intérieur du monde du jeu, comme un journaliste qui irait en reportage dans une ville à un endroit précis, que une simple critique. On va à l'intérieur du jeu et on raconte ce qu'on a vu et on analyse avec l'œil du journaliste et on retranscrit ce qu'on a vu et ce qu'on a ressenti. Et du coup, ça aussi, c'est un lieu commun de dire que le joueur est lui-même le super-héros du jeu vidéo. Et en tout cas, c'est un acteur du jeu vidéo. C'est un des acteurs qui rentre en ligne de compte dans le jeu vidéo. On va parler des super-héros, mais surtout des super-héroïnes. Et donc, de Lara Croft, Erwan Cario. S'il fallait la présenter. S'il fallait la présenter, déjà, c'est une femme. Alors ça peut sembler évident, mais ça ne l'est pas tant parce qu'au début c'était censé être un homme. Le studio qui était en charge de ce projet Tomb Raider avait imaginé un héros masculin, mais il était archéologue, il avait un chapeau et un fouet, je crois, dans les projets. Donc en fait il y avait comme une légère peur du plagiat vis-à-vis d'un autre archéologue qui avait un chapeau et un fouet, Indiana Jones. Et donc, en fait, voilà, ils ont revu leur copie, ils en ont fait une femme. C'était le créateur s'appelait Toby Gard. Et elle s'appelle Toby Gard d'ailleurs. Et voilà. Et déjà, en fait, c'est une sorte de quiproquo malentendu au départ a fait beaucoup de choses parce que c'est une des premières grandes héroïnes du jeu vidéo et qui est une figure. C'est une figure qui a plein de lectures possibles. Elle a une lecture féministe parce que c'était une femme en charge, qui était vraiment avec un vrai pouvoir, avec une vraie décision, une vraie possibilité d'action. En même temps, elle a été aussi vue comme sexiste. Parce que elle avait une poitrine absolument disproportionnée, qui était représentée par des triangles, mais qui était un petit peu, qui n'était pas forcément très très bien anatomiquement juste. C'est le fantasme qui joue. Oui, voilà, c'était un fantasme. Après, ça a été une icône marketing, une icône publicitaire, qui a été réutilisée comme ça dans. Est-ce qu'on peut parler de la première héroïne de jeu vidéo, où il y a eu d'autres héroïnes dans le jeu vidéo? Il y a eu d'autres héroïnes qui était moins connue. On peut il y a par exemple une héroïne qui était moins connue qui était Samus Aran sur la série Metroid de Nintendo, mais sauf qu'en fait on apprenait qu'à la fin du jeu que c'était une femme, parce que c'était une sorte de robot pendant tout le jeu et puis elle enlevait son armure à la fin du jeu, on découvrait que c'était une femme. Bon, voilà, c'était la récompense pour le gamer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cette industrie s'adresse d'abord aux hommes, on peut le dire, Alexis Blanchet, puisque vous êtes avec nous encore. Oui, le cas de Lara Croft est intéressant. Erwan l'a dit, c'est un créateur qui est aux commandes. Si vous lisez la distribution, enfin ce qu'on pourrait appeler la distribution ou le générique du jeu, c'est-à-dire tous les gens qui ont travaillé sur le premier épisode, hein, celui de 96, c'est essentiellement masculin. Les seules femmes qui apparaissent sont en général dans des fonctions marketing, elles ne sont pas dans des fonctions création. Donc on peut penser que c'est un personnage qui est pensé à travers un regard masculin. Oui, là, moi, juste la différence que je pense qu'il faut faire, c'est-à-dire il y a la Lara Croft des contenus, quoi, c'est celle avec laquelle on joue. Mmh. Et puis, comme l'a dit Arwan, il y a ce qui se passe en termes de phénomène marketing. Une fois que le jeu a pris. C'est-à-dire une fois que le jeu est fait et qu'il faut le mettre en vente. Et c'est vraiment la différence est très remarquable. C'est-à-dire que la position de Lara Croft sur la jaquette du jeu est une position extrêmement ouverte, offerte aux joueurs, qui met en avant la poitrine du personnage, qui joue sur sa semi-nudité puisqu'elle a les jambes nues. Mais la Lara Croft du jeu reste un avatar qu'on va diriger et qu'on va même plus voir à un certain moment. C'est-à-dire que le joueur, quand il joue, il n'est pas fixé sur le dos du personnage. C'est une vue à la troisième personne. Donc le personnage est toujours à l'écran vu de dos. Il est plutôt fixé aux environnements, etc. Et il faut vraiment, à mon avis, faire la différence entre ce qui se passe dans les jeux Lara Croft et ce qui se passe autour de ce qui est fait autour du personnage de Lara Croft, qui va être beaucoup plus sexiste, à la fois dans ses usages pour la publicité, pour le marketing, etc. Comment on crée un personnage, une super-héroïne comme Lara Croft? Est-ce que on s'intéresse un peu à un background, à une filiation, à une psychologie? Est-ce que c'est important, Erwan Cario? Pas le moins du monde. Ce n'est pas du tout important. Ils sont, pour ainsi dire, et même jusqu'à au Tomb Raider qui est sorti le mois dernier, on s'intéresse très très peu. Enfin, on fait mine de s'intéresser à une sorte de background comme ça, d'histoirette. Finalement, on s'en fout. Et les créateurs et les joueurs d'ailleurs. Il y a peut-être des gens qui, un scénariste quelque part qui en a quelque chose à faire, mais à peu près tous les autres en ont pas grand chose à faire. Et en fait voilà, le personnage de Lara Croft est avant tout un avatar. C'est avant tout quelqu'un qu'on contrôle, qui est une aventurière. En fait voilà, son background c'est ça. C'est une aventurière. Elle voyage à travers le monde et elle explore des tombeaux à la recherche d'artefacts magiques. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il est nécessaire de savoir. Et à partir de ça, on part à l'aventure, on part dans des grottes. Là, alors, parce que Tomb Raider, le premier jeu de celui de 96, est celui qui a marqué, et c'est à cause de lui que Lara Croft est finalement devenue aussi célèbre, c'est que c'est un excellent jeu. C'est que c'est la première fois qu'on contrôle un personnage dans un environnement en trois dimensions, donc fait de polygones, où on contrôle comme ça, on a l'impression d'être immergé dans l'univers du jeu vidéo. C'est la première fois, moi je m'en souviens, j'ai des souvenirs de gamers, de joueurs comme ça qui sont encore très vivaces, où je me souviens de ces grottes qu'on explorait. C'était la première fois, alors que ça faisait déjà peut-être une quinzaine d'années que je jouais, où j'avais ce sentiment incroyable d'immersion. Alors comment vieillit une super-héroïne? Pour Lara Croft, ça a été compliqué. Est-ce qu'elle change? Elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé avec la technologie, évidemment. On peut parler du nombre de polygones où elle passe de quelques centaines à 10 000, puis je ne sais plus, on les compte plus maintenant. Son apparence a changé. Elle a encore changé en 2013, où elle a rajeuni. Parce qu'en 2013, il y a eu ce qu'on appelle un reboot de la série, où finalement, on l'a retrouvée plus jeune qu'elle n'a été en 1996. Elle était en post-adolescence. Celui de cette année est à peu près le même âge, on va dire une vingtaine d'années, 20-21 ans. Merci Erwan Cario. Vous pouvez nous rappeler juste le titre de votre ouvrage de référence? Start, la grande histoire des jeux vidéo. Mais c'est pas encore sorti, hein. La dernière version n'est pas encore sortie. La troisième édition sort début janvier. Des pixels à Hollywood, c'est votre dernier ouvrage, Alexis Blanchet. On se retrouve demain. Avec grand plaisir. Et demain, on va parler de Super Mario. C'était Un autre jour est possible. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur franceculture.fr si vous n'êtes pas du genre à vous lever tôt. Et le podcast, merci de le partager comme les jeux vidéo. Bonne semaine avec les super-héros et les super-héroïnes sur France Culture.